إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الإخوة والأخوات، عنوان هذه المحاضرة أمهات المؤمنين. Le thème de cette conférence est les mères des croyants. Quand on dit les mères des croyants, c'est qu'on va parler des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui les a appelées les mères des croyants? C'est Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim en disant An-Nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-Nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu, ay azwajuhu an-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, wa azwajuhu ummahatuhum. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Ses épouses, c'est-à-dire les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont déclarées dans le Saint-Coran comme étant les mères de chacun de nous. Aïcha radiallahu anha est pour toi une mère. Hafsa est pour toi une mère. Safiya est pour toi une mère. Khadija est pour toi une mère. Et on continuera à voir le reste des mères des croyants, radiyallahu anhun. Donc ça c'est la première chose, c'est que le nom des mères des croyants vient du Coran al-Karim. Ce n'est pas une innovation, ce n'est pas une invention, mais c'est un terme coranique, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné ce nom. Bien sûr, dire mère des croyants, c'est dire qu'il y a certaines règles, il y a certaines lois à respecter quand on s'adresse aux mères des croyants. Quand on parle des mères des croyants, elles ont des règles et des lois particulières. Parmi ces règles, c'est le fait de leur devoir le plus grand respect, de respecter les mères des croyants, comme dit l'imam Al-Qurtubi, rahimahullahu ta'ala, dans son livre de tafsir, d'exégèse du Coran, il dit à la lettre, شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أي هذا شرف لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين أو أمهات للمؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال فكان ذلك تكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم وتشريفا لهن. Il nous cite quelques droits de nos mères, les mères des croyants. L'imam al-Qurtubi dit, Allah a honoré les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant d'elles les mères des croyants, ce qui implique l'obligation de les respecter, de reconnaître leur place imminente et l'interdiction d'épouser l'une d'entre elles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci pour honorer son messager alayhi salatu wa sallam et pour honorer ses épouses elles-mêmes, radiyallahu anhunna. Ça c'est la parole de l'imam al-Qurtubi qui nous montre qu'est-ce que ça veut dire les mères des croyants. C'est un honneur, c'est une obligation de les respecter, c'est une interdiction de se marier avec l'une d'entre elles. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Sourate al-Ahzab, les alliés, verset 53, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. معنى الآية: حرام عليكم أن تتزوجوا إحدى أمهات المؤمنين لأن ذلك يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معصية عظيمة عند الله. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah. Il vous a interdit de faire du mal au prophète صلى الله عليه وسلم. Comment un musulman peut-il faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah Azza wa Jalla le montre dans ce verset en disant: ne jamais vous marier avec ses épouses après lui, après sa mort. Donc après son mariage à lui avec l'une de ses épouses, il est interdit, formellement interdit aux musulmans, d'épouser une des mères des croyants. Car pourquoi? Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Inna dhalika kana indallahi azima. Ça c'est juste un regard sur la place qu'occupent les mères des croyants pour les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim me parle du climat, l'ambiance qui règne dans les maisons, dans les appartements des mères des croyants. وَأَطِعْنَا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Allah Azza wa Jal nous décrit l'ambiance dans les maisons, dans les appartements des mères des croyants. Allah dit aux mères des croyants: faites la prière, acquittez-vous de la zakat, wa aqimna as-salata wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasulahu. Obéissez Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Inna ma yuridu Allah an yudhhiba 'ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Allah Azza wa Jal veut, il s'adresse à qui dans ce verset? Il s'adresse aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux mères des croyants. Al-ayat sariha fi siyaqiha anna al-khitab li azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il s'adresse dans toutes ces ayats, tous ces versets, il y en a plusieurs, il s'adresse aux mères des croyants, aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le même verset dit: car Allah veut vous débarrasser, vous, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de Ahl al-Bayt en citant les épouses du prophète alayhi salatu wa sallam. Car Allah veut vous débarrasser de toute souillure, impureté, wa yutahhirakum tathira, et vous purifier pleinement. Allah Azza wa Jal donc a déclaré que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de Ahl al-Bayt du prophète alayhi salatu wa sallam, et qu'Allah Azza wa Jal les a purifiées, et que les mères des croyants, c'est des femmes, des épouses pieuses et vertueuses qui passent le temps à faire la prière, wa aqimna as-salah, à s'acquitter de la zakat, à obéir à Allah Azza wa Jal et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikmah. Le verset suivant dit: et gardez en mémoire ce qui est récité chez vous dans votre foyer, dans vos foyers, comme verset d'Allah et comme sagesse. Et la sagesse, là, veut dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est vécu dans les foyers des mères des croyants. Prière, zakat, invocation, Coran, sagesse, sunna, ça c'est la vie des mères des croyants, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voulons parler des mères des croyants pour tirer, le but c'est de 1. Connaître un peu de leur biographie. Car malheureusement, beaucoup de parmi nous, hommes et femmes, jeunes, moins jeunes, personnes adultes, âgées, ne savent pas beaucoup de choses des mères des croyants. كثير من المسلمين لا يعرفون شيئا عن كثير من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يعرفون بعض الأمور يعرفون عن عائشة وحفصة وربما صفية وخديجة. Car souvent on entend parler de Khadija, Aisha et Hafsa, et des fois Zainab ou bien Safiya, mais il y a le reste des mères des croyants dont on parle rarement. Alors on veut de 1 connaître la biographie, la vie, bien sûr en 2-3 mots, c'est pas l'objectif de la conférence, c'est de donner un aperçu de la biographie de chacune d'elles. Ça nous aide à nous bien situer chronologiquement dans le temps, hatta نحدد مواقع هذه الزوجات زمنيا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حياته أو بعد وفاته. Deuxième chose, deuxième but de ce thème, c'est de tirer les leçons. De tirer les leçons pour chacun de nous et pour chacune. Des leçons dans la vie des compagnons, la vie des mères des croyants, les épouses du prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam, au moment de sa mort, il avait épousé 9 femmes. Il avait 9 femmes. Mata an tis'i niswa. Et ceci, bien sûr, est une particularité. C'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit aux musulmans de dépasser le nombre de 4. Le prophète en avait 9 à sa mort. Alayhi salatu wassalam. Et en vérité, il y a plus que 9. Et je les citerai une par une sans rentrer dans tous les détails. La première de ses épouses, les mères des croyants, dans l'ordre chronologique, c'est Khadija radiyallahu anha. Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Khadija radiyallahu anha avant qu'il soit prophète, avant l'avènement. Le prophète avait 25 ans et Khadija avait 40 ans. Comme il est rapporté dans la plupart des ouvrages de la Sira, alors que certains historiens ont fait des critiques à ce récit en disant que c'était pas possible que Khadija radiallahu anha était âgée de 40 années. Ils ont apporté quelques arguments, mais sans apporter des preuves solides au niveau historique. Donc on se base sur ce récit et sur ces apports, puisque c'est les récits rapportés dans la plupart des textes de la Sira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans et Khadija avait 40 ans. Et quand il l'a épousée, sallallahu alayhi wa sallam, elle était veuve, Armala. Elle était mariée 2 fois avant qu'elle épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était mariée à un certain Abu Hala, il s'appelle, dans le Jahiliya, l'ère avant l'islam. Après sa mort, Khadija épousa un autre qui s'appelle Atiq ibn A'il. Atiq ibn A'il. Ensuite, après lui, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui épousa Khadija radiyallahu anha. Et tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent de qui? De Khadija radiyallahu anha, excepté un qui s'appelle Ibrahim, qui vient de Maria. Maria al-Qibtiya, la copte. Sinon, toutes les filles et tous les garçons, les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, viennent de Khadija. On peut parler de Zaynab. C'est la fille la plus âgée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a d'abord Zaynab, ensuite Ruqayya, ensuite Umm Kulthum, ensuite Fatima radiyallahu anha. Avec 2 garçons, un qui s'appelle Al-Qasim et l'autre qui s'appelle Al-Tahir ou bien Abdullah, comme dit Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Quant à Zaynab, c'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Khadija, était mariée à un certain Abu al-As ibn al-Rabi'. Quant à Ruqayya, la deuxième fille de Khadija radiyallahu anha, et j'insiste sur le fait que ces filles sont les filles de qui? De Khadija et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas comme on entend des fois chez certains qui disent que ce sont les filles de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr pour échapper au fait de dire qu'il s'agit là aussi des filles qui font partie de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahl al-bayt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on ne peut pas parler que de Fatima radiyallahu anha comme étant la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Fatima, Zaynab, Ruqayya, Umm Kulthum et tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les épouses font partie de Ahlul Bayt du prophète alayhi salatu wa sallam. Ruqayya était mariée